remontera jusqu'à 30 degrés. En 2025, deux hommes sur trois seront menacés d'une pénurie d'eau. Les métissages avec le quotidien 20 minutes et son site internet 20minutes.ch. Couleur 3. Métissage. Dans cette deuxième heure de métissage, nous avons un invité Globetrotter, cette semaine au mythique Club Trésor à Berlin, c'est un peu chez lui, il en est le résident. Ensuite au festival Sonar Barcelone, puis au D-Club à Lausanne, ce sera dans quelques jours, David Krasman alias Dave Dickey, pas de longue biographie élogieuse à son sujet pour l'instant. On va d'abord voir ensemble quels sont ses goûts musicaux, on n'est jamais trop prudent. Dave Dickey sur Couleur 3. Métissage. D'ici à minuit, on découvre ce mix de Dave Dickey, parcours classique pour ce DJ producteur qui est passé du stade de clubber à celui d'organisateur de soirée, puis de DJ, puis de producteur chez les Allemands de Müller Records à la fin des années 90 pour ses premières traces sur vinyle, un résident du Trésor et du Panorama Bar à Berlin. On en a souvent parlé de ces endroits prestigieux, un remixeur de talent quand il s'attaque à Hiroshima ou Skyback par exemple. Dave Dickey dans les métissages. Thank you. Thank you. Notre invité dans cette deuxième heure de métissage, il se fait appeler Dave Dicke. C'est un Allemand, un Berlinois, réputé sur la scène minimale. Vous avez peut-être téléchargé certains de ses titres sur des labels comme Mood Music, Television ou Playhouse. Il a une conception de la techno assez intéressante qu'il nous fait découvrir jusqu'à 1h du matin. Dave Dicke. Métissage. On vous le disait tout à l'heure, il sera en Suisse très bientôt, le 19 juin, Audi Club à Lausanne, le lendemain de sa performance à Sonar Barcelone. Dave Dickey, invité en avant-première des Métissages ce soir, DJ berlinois. We'll be right back. Eh bien voilà, on aura découvert un DJ de plus, et pas n'importe lequel, le berlinois Dave Dickey, invité des métissages ce soir. Pour rappel, si cela vous a plu, il sera en Suisse le 19 juin prochain, Audi Club à Lausanne. On aura l'occasion d'en reparler, évidemment, durant la semaine dans les métissages. Passez un excellent week-end. Métissage. Les métissages avec le quotidien 20 minutes et son site internet 20minutes.ch. Tahiti, 13h. Un faux cri.